Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast La vie en vrai. Comme l'écrivait Mallarmé, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Mais est-elle si triste et avons-nous vraiment lu tous les livres ? Tabou ou hypocrisie de notre époque, le sujet de la sexualité est un des plus présents dans l'inconscient collectif et un des moins évoqués dans ses aspects concrets. Dans son livre « Histoire de la sexualité », Michel Foucault argumente que le sexe n'a pas en fait été victime d'un tabou conservateur, mais bien plus d'une multiplicité de discours, souvent à connotation psychiatrisante ou moralisatrice. Alors rajoutons un discours, celui de ceux qui sont sur le terrain et dont on ne parle presque jamais. Il y a quelque temps, nous avons rencontré Dario, étudiant et vendeur dans un sex shop. Nous l'avons interviewé pour qu'il nous parle de son travail, de son expérience et de ce que ça peut nous apprendre sur nous et notre nature humaine. Nous aimerions vous signaler qu'en raison du sujet, un certain nombre de mots explicites sont à entendre dans cet épisode. Première question, peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors attendez, il faut quand même pas trop qu'il y ait de bruit parasite. Ouais. Je vais enlever ça déjà. Parce que je vais le triturer sous l'effet du stress. T'es stressé aussi, tout va bien. Non, il faut juste être occupé avec les mains. C'est... Ok. Pas très cool. Voilà, je m'en. Bon, du coup, voilà, juste toi, présente-toi et dis-nous ce que tu fais dans la vie. Ok. Alors, du coup, je m'appelle Dario, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en fin de master en urbanisme et je travaille à côté dans un sex shop depuis environ 4 ans. Est-ce que je n'ai pas révisé les questions? Voilà, est-ce que du coup tu travailles dans un sex shop, est-ce que du coup tu peux décrire un peu l'établissement, genre le lieu, l'ambiance, les gens qui y travaillent aussi, genre un peu, enfin, d'une manière générale? Ouais, alors en fait de base c'est un sex shop mélangé à un sex club. Et il y en a beaucoup en Suisse, là où du coup je travaille. En fait, c'est un établissement, il est sur deux étages. Il y a une partie, c'est un magasin classique, c'est un sex shop classique où il y a des gadgets, il y a un peu de tout, des DVD, des capotes notamment, donc c'est vraiment quelque chose de classique. Et après, au sous-sol, il y a un espace un peu plus, on va dire, à lumière rouge. C'est un espace, un club, où concrètement, les gens se rencontrent entre eux pour s'amuser. Donc c'est un espace plus libertin, entre guillemets. Et le club est gay, pour le coup. Pourquoi ? La question c'est pourquoi, comment est-ce qu'on arrive, est-ce que pour toi c'est quelque, enfin comment tu en es, j'arrive pas à formuler la question. Comment, vocation. Comment est-ce que tu... Vocation, je suis né, je me suis dit un jour je bosserai là-dedans. Non, en vrai. Et quand tu dis là-dedans. Ok, donc oui. Du coup, de base, j'étais en début de bachelor quand je. Bachelor, est-ce que tu peux peut-être le dire en début de licence, ouais. Quand j'ai commencé ma licence du coup en géographie à Genève. Et j'ai commencé par enchaîner plusieurs petits boulots pour payer mes études et mon loyer. Sauf que beaucoup de ces boulots sont pas forcément très bien passés. Et un jour, sur la plateforme de... Ça s'appelle Uniemploi, c'est la plateforme de recherche d'emploi de l'Université de Genève. C'est écrit caissier-vendeur. Et là, du coup, je contacte, j'appelle la personne, le responsable, qui me dit « Venez ce soir pour un jour d'essai ». Et en fait, c'est par pur hasard. Je pensais que c'était juste un commerce, rien de plus classique, un magasin. Et en arrivant, du coup, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'un peu plus particulier, entre guillemets. Du coup, c'est vraiment un hasard que je suis atterri là-bas. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rester, genre, parce que ça fait quand même 4 ans. J'avoue. Déjà, le fait que ça paye mon loyer, mes factures, tout ça, donc c'est plutôt pratique. Et l'ambiance qui est juste, pour un job étudiant, vu que j'ai bossé dans un café avant, dans une chocolaterie, dans un salon de coiffure, toutes les ambiances n'étaient pas forcément idéales, je trouvais, surtout le stress quand t'es serveur, c'est plutôt stressant, je trouve. Et du coup, là-bas, vu que les gens viennent littéralement pour leur plaisir, en soi, c'est grave relaxant, les gens sont bienveillants, et la plupart du temps, c'est même amusant de bosser là-bas, parce que c'est quand même un milieu pas forcément très typique, donc je trouvais que c'était amusant. Donc pour le reste de mes études, je me suis dit, je vais continuer là-dedans tant que ça marche bien, concrètement. Le fait que ça soit pas précisé sur l'annonce ce que c'était, est-ce que à un moment, tu t'es dit... Je trouve ça relativement malhonnête, ou est-ce que tu t'es dit finalement, est-ce que c'est pas un commerce comme un autre ? Quel a été ton chemin de réflexion là-dessus ? En fait, sur la plateforme de Uniemploi, tous les jobs sont très génériques. C'est pas vraiment écrit l'établissement, c'est juste écrit caissier, vendeur ou auxiliaire de vie ou des choses comme ça. Bref. Mais après coup, j'ai demandé à mon patron pourquoi c'était juste écrit caissier, vendeur et qu'il n'y avait pas plus d'informations. Et il m'expliquait que c'était une question d'éthique pour le site de l'université, parce que Genève étant une ville protestante, le site de l'université, l'université est très lié à l'état de Genève, Donc je pense qu'ils avaient un peu de mal à mettre caissier, vendeur, sex shop sur l'annonce. Du coup, je pense que c'était plus une question de censure, entre guillemets. Tu sens beaucoup de poids moral sur ce genre d'activité, que ce soit toi ou les gens autour, ou la manière dont c'est vu, dont c'est perçu? Alors moi, personnellement, non. Mais je sais que mon patron qui a ouvert le magasin il y a 24 ans, il m'a dit qu'au début, c'était très compliqué quand même. Même si Genève, c'est comme une ville assez, j'ai l'impression, ouverte d'esprit. Quand ils ont ouvert le magasin, il y a eu une sorte de cheminement de pensée, de travail à faire pour que ce soit accepté. Au début, il y a eu pas mal de vandalisme dans le magasin. Donc, il a expliqué que c'était... Les gens rentraient, jetaient des œufs dans le comptoir et se cassaient en courant, par exemple. Donc avant, c'était, je pense, pour eux, au début, c'était un peu compliqué. Mais moi, personnellement, je le prends de manière très, très légère. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quel type de quartier, en fait? Parce que du coup, pour rebondir sur la question que tu as dit... Le quartier où se situe le sex shop, ça s'appelle les Paquis. C'est un peu le Pigalle de Genève. Donc c'est le quartier autour de la gare. C'est un quartier où il y a beaucoup de prostitution. Et vu que c'est légal en Suisse, bah, ça passe très bien. Donc c'est un quartier un petit peu chaud, on va dire, le soir à Genève. Donc ça va dans la dynamique, quoi. Du coup, ouais, tu as dit que tu avais d'autres jobs étudiants. Est-ce que tu as des points communs avec ces autres jobs étudiants ou des trucs qui sont totalement différents? En quoi c'est à la fois un job comme un autre et à la fois quelque chose de totalement... Bah, en soi, c'est un job comme un autre vu que bah, quand tu fais de la vente, peu importe ce que tu vends, tu vas juste conseiller des clients et leur vendre des objets. Donc avant, je vendais des chocolats, maintenant je vends des sextoys, donc forcément c'est un peu différent, mais le principe est le même concrètement. Après, c'est vrai que l'ambiance qui est autour et surtout tout le monde qui s'articule autour de ça, c'est quand même bien différent. Et passer du chocolat au monde de la nuit, entre guillemets, ça fait. Ça a pris un peu de temps pour. Du coup, les gens, quand tu leur annonces que tu travailles dans un sex shop, ils réagissent comment? Est-ce qu'il y a aussi des gens à qui tu ne vas pas forcément le dire? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu sens que ton entourage il est assez ouvert? Alors, je dirais que ça dépend. De manière globale, c'est plutôt ouvert. Les étudiants de mon âge, de notre âge, ils sont quand même, ils prennent ça un peu en rigolant, donc c'est plutôt chouette d'en parler. Après, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à bosser là-bas, quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère, elle l'a pris vraiment en riant, c'était plutôt amusant pour elle. Et mon père, qui est un Sicilien né en 63, non, pas en 54, autant pour moi, vraiment traditionnel du sud de l'Italie, quand je lui dis que c'est un sex club gay, il n'a pas très bien réagi tout de suite. Il était un peu tendu. Je l'ai vu un petit peu tendu au début. Donc je pense que c'est... ça dépend. Les jeunes autres âges, j'ai pas de souci à leur parler. Après, s'il y a des adultes, je vais peut-être un peu tâter le terrain d'abord avant de l'annoncer. Question de préjugés? Un peu, ouais, je pense. Je pense pas qu'il y a la crainte que, vu que je travaille dans un établissement gay, je devienne gay. Parce qu'il y a des gens qui vont penser ça, forcément. Mais je sais pas, c'est comme un travail un peu sensible sous certains aspects, j'ai l'impression. C'est quoi du coup, tu dirais quoi, c'est quoi les plus gros préjugés qu'on peut avoir sur un sex shop en général? Parce que c'est, enfin, on en voit quelques-uns en Allemagne, en France, je crois, je suis pas vraiment allée devant un sex shop, mais en Allemagne, ça se trouve assez partout. Et du coup, bah, par contre, on voit que c'est des établissements qui font tout de suite très fermés, donc... Dehors, ils sont d'habitude assez cachés, on ne les trouve pas forcément facilement. Je pense que le préjugé, dans mon cas, c'est pas forcément le sex shop en soi, vu qu'en Suisse, il y en a quand même beaucoup, même à Genève, il y en a 4-5 et la ville n'est pas très grande. Mais c'est surtout le sex club, parce que bah, du coup, tu as le côté libertin, donc c'est un peu interdit, c'est un peu l'adultère finalement. Et vu que c'est libertin et gay, du coup, il y a le préjugé aussi de l'homophobie qui va bien attaquer dans ce milieu-là, je pense. Et du coup, une journée de travail typique ou une soirée de travail, parce que du coup, je sais que tu travailles aussi des fois, tu fais serveur dans le club. Je bosse plutôt le soir en fait. Ouais, tu bosses. Et de base, en fait, on gère les deux. Il y a l'accès au magasin et le club qui est derrière, donc les clients qui veulent aller au club doivent forcément passer par le magasin. Typiquement, je relais mon collègue vers 18h et en fait, on reste dans le comptoir du shop, donc on s'occupe de la clientèle qui veut acheter des gadgets ou d'autres choses. Et on gère aussi les entrées au club. Donc on va prendre les vestes ou les affaires des clients qui vont descendre. Vestiaire. Comment ? Vestiaire. Le vestiaire. On s'occupe du vestiaire, absolument, ouais. Il n'y a personne qui travaille en bas. Donc il n'y a pas de travailleurs du sexe à proprement parler. C'est vraiment des clients entre eux. Mais on doit gérer de temps en temps des situations de conflit. Par exemple, des gens qui vont essayer de se prostituer en bas ou des gens qui vont essayer d'agresser d'autres clients potentiellement. Parce que des fois, il n'y a pas forcément beaucoup de consensus entre les deux, j'ai l'impression. Ça arrive. Et surtout, éviter que les clients ramènent de l'alcool ou de la drogue en bas, parce que c'est totalement interdit dans un milieu où il y a du sexe en Suisse. Et c'est interdit de ramener de la drogue. De la drogue et de l'alcool dans un lieu dédié au sexe. Il y a déjà eu des soucis où, quand j'ai commencé la première année, quelqu'un avait ramené du GHB et c'était évanoui en bas. On a dû appeler l'ambulance, c'était le bordel et on a failli fermer à ce moment-là. Du coup, on fait vraiment gaffe à ça. Et concrètement, en fait, en bas, il y a des cabines vidéo. Donc, nous, on gère les vidéos à mettre. On va changer le film qu'il y a dans une cabine plutôt qu'une autre. On va servir des boissons aux clients qui sont en bas. On va leur fournir, bien sûr, des préservatifs. Et voilà, c'est plutôt du contrôle, entre guillemets. Et du coup, le type de clientèle? En fait, c'est extrêmement variable. En fait, ça dépend la période de l'année. Je dirais qu'il y a un peu tout le monde. Il y a des gens du quartier, il y a des banquiers, parce qu'il y a beaucoup de banquiers à Genève. Et l'été, il y a énormément de diplomates de l'ONU qui viennent. C'est juste incroyable, je trouve. Et il y a notamment beaucoup de touristes américains et des pays du Golfe. Mais sinon, sur Genève, c'est vraiment extrêmement varié, je dirais. Et beaucoup de personnes de plus de 50 ans dans le club. Okay. La majorité, je dirais. Qu'est-ce que ça t'apprend sur le rapport des gens à leur sexualité? Alors, je pense déjà il faut une certaine ouverture d'esprit. Peu importe la personne qui va, qu'elle achète ou pas, qu'elle descend dans le club ou pas. Il faut l'ouverture d'esprit parce que, du coup, une fois que tu es de sex club ou au sex shop, du coup, tu te permets, tu t'ouvres ton esprit à tester des nouvelles choses, que ce soit des nouveaux gadgets, rencontrer des gens, parce que rencontrer des gens dans un club libertin, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, je pense. Et d'un point de vue masculin, vu que c'est quand même un établissement de base gay, il y a plus d'hommes qui viennent, et il y a un gros tabou autour, par exemple, de la prostate chez l'homme, et du fait que c'est un organe qui pourrait tendanciellement donner beaucoup de plaisir à l'homme, mais beaucoup de mecs vont pas forcément oser s'y intéresser, parce que la prostate c'est proche de l'anus, et du coup, forcément, la relation anus-homme, ça fait vite, ça peut vite tomber dans le... Oh, c'est homosexuel, concrètement. Du coup, je pense que le plus grand apprentissage lié à la sexualité, donc ce qu'on peut apprendre sur soi quand on travaille dans ce genre d'établissement, c'est ne pas tomber dans les clichés, en se disant qu'on peut potentiellement explorer ailleurs pour découvrir d'autres choses, je pense. C'est un peu flou peut-être ce que je dis, mais... Ça m'arrivait plusieurs fois, depuis que je travaille là-bas, d'avoir des mecs qui viennent pour leur copine, pour leur faire des cadeaux. Ils me demandent des conseils, ils cherchent un gadget pour leur copine, et là je leur demande très bien, du coup, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait préférer une stimulation externe ou plutôt interne? Quand je pose des questions, des fois ils réagissent pas forcément beaucoup à ça, et je leur demande plutôt si par la situation clitoridienne ou du coup vaginale. Et j'ai déjà eu des clients qui m'ont répondu « clitoridienne ». Et du coup, bah là, je trouve que d'un côté, comment dire, ça fait beaucoup, mais de l'autre côté, je trouve que c'est vraiment trop bien qu'ils viennent là, justement, pour potentiellement en découvrir plus, pour pouvoir tous les deux s'amuser davantage ensemble. Il y a le beau geste. Il y a le beau geste. Il y a le geste. Attention, Kiko. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, dernière question. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu nous raconterais dessus? Genre des anecdotes qui sont passées... Comment ça se passe ta vie? Des histoires. Ouais, des histoires comme ça qui est de clients ou de situations qui t'ont arrivé. Qu'est-ce que tu raconteras à tes enfants, c'est pourquoi? Ça dépend de l'âge de mes enfants. Mais je pense que les 2-3 ans. De 3 ans. Je sais même pas que je passe là-bas, concrètement. Mais non, je pense surtout les anecdotes les plus intéressantes qu'il y a dans cet établissement, c'est clairement celles qui sont liées au sex club plus qu'au shop. Parce que, forcément, les gens s'amusant, ils remontent, ils me racontent un peu leur vie, parce qu'au bout de 4 ans, j'ai des habitués qui descendent au club, ça fait 4 ans que je les côtoie 2 fois par semaine, 5 heures par jour à chaque fois, donc on devient même amis, limite, au bout d'un moment. Et l'anecdote la plus merveilleuse, c'est concrètement, j'ai 2 clients du club qui remontent au comptoir, prendre une petite boisson pour s'aérer un peu l'esprit, et un des deux dit à l'autre, « Ah, du coup, ça t'a plu ce qu'on a fait en bas, ça t'a plu ce que je t'ai fait ?» Et le deuxième lui dit, de quoi tu parles, hein? Je sais pas de quoi tu parles concrètement. Et du coup, le premier lui répond, je t'ai fait une fellation, donc c'était comment la fellation que tu as fait? Et l'autre lui répond, en fait, tu m'as pas fait de fellation, c'était pas moi. Et du coup, là, en m'intéressant, en questionnant les clients que je connaissais, bon, bien sûr, j'ai pu incruster un petit peu l'histoire, j'ai découvert qu'il y a eu un malentendu par rapport à des glory holes, donc les trous dans les murs concrètement pour séparer deux cabines. Un des deux clients. Penser que l'autre allait de l'autre côté, concrètement, pour s'amuser entre eux, sauf qu'il est totalement parti, et que quelqu'un d'autre était rentré dans la cabine et y avait mis, du coup, son pénis, concrètement. On mettra le truc explicite sur ce possible. Je peux dire d'autres mots, hein, je peux dire non, c'est pas la peine, c'est très bien. Moi, j'aime comme ça. Ça, c'est, c'est, C'est la best-of. Mais je vous l'avais peut-être déjà raconté, celle-là, je crois. Il fallait qu'on... Il n'y avait pas de micro. là, il nous l'a fallu. Non, c'est vrai. Et ben voilà. Tout s'est organisé autour de ça. Non, après, le reste, c'est des classiques. C'est les clients qui ont 50 ans, qui voient un vendeur de 24 ans au comptoir, ils se disent, ah, peut-être qu'il y a un moyen. Et du coup, ils vont tenter toutes les manières possibles pour te ramener en bas. Des fois, de manière élégante, en te faisant des compliments très gentils. Vous êtes beau ce soir, vous êtes charmant. Et des fois, on y allant de manière beaucoup plus bourrin, entre guillemets. Donc, Même entre mecs, les mecs sont bourrins. Donc... c'est rassurant. Je pense, je vais pas généraliser du tout. Ah, c'est moi qui fais le montage, fais ce que tu veux. Non, je dirais pas que les gays sont plus bourrins que les hétéros. Mais vu que le milieu s'y prête, vu qu'il y a le contexte et que potentiellement ça laisse penser que les vendeurs sont totalement ok pour ça, mais du coup gay potentiellement ou bi, et des clients franchement ils te mettent la main au cul direct concrètement, genre ils te quand, parce qu'en fait j'ai oublié de préciser ça, mais quand tu changes de mon collègue fait la journée et je viens le soir, bah le collègue qui fait la journée ou du coup moi dans ce cas là bah, il va descendre pour contrôler que tout le monde est bien vivant et que tout se passe bien en bas, et des fois quand tu descends bah les clients te confondent ou pour un autre client ou ils disent ah t'es descendu finalement. Et là, du coup, t'as la main au pec, ou la main aux fesses, ou la main à la cuisse, ou ils te poussent dans une cabine. Il faut réagir tout de suite. Parce que la première année, j'ai pas réagi tout de suite. Et un certain client m'avait poussé dans une cabine, et sauf que j'ai pas réagi, il a fermé la cabine, il est rentré avec moi, il a commencé à me toucher, et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Je suis le vendeur. Je suis pas là pour ça. » Sauf que quand t'as 20 ans, et tu rentres, ça fait 3 mois que t'es là... Vous avez pas des badges ou un t-shirt du magasin? Non. Ça, on a un tasseur. Mais oui, tu m'étonnes. Et on a une batte de baseball aussi pour ça. D'accord. Mais bon, pour descendre, ça sert pas à grand chose dans ce cas-là. Ok. Mais ça, c'est pas légal, il faut pas qu'on le mette. Non, mais c'est... on a dû des soucis avec des clients qui rentrent et qui veulent pas partir du magasin. Ouais. Ouais. Tu m'étonnes. Donc, mais bon, il y a la police qui est pas loin, ça va. Vu que c'est le quartier chaud, les policiers sont souvent appelés pour intervenir dans les sexes. Globalement, ça se passe plutôt bien. Enfin, ça a rarement des incidents, je pense. Sinon, j'ai un gros accident tous les 4-5 mois, je dirais. Et après, ça va, le reste du temps. C'est super chill, le reste du temps. Que tu y allais, tu retournes plus. Ah oui, alors ça, c'est la meilleure phrase. Alors, du coup, dans le contexte, toujours dans le contexte, les clients qui draguent les vendeurs. Donc, parce qu'en fait, on est 4 vendeurs. On est 4 étudiants à l'université de Genève, entre 22 et 29 ans, je crois. Du coup, on est tous relativement jeunes par rapport à la clientèle moyenne. Et je me rappelle que un des premiers clients que j'ai rencontré là-bas, qui est un habitué, a pendant longtemps essayé de me convaincre de descendre avec lui, donc il draguait avec moi concrètement, il me draguait, pardon. Et il m'a sorti une phrase un jour qui m'est restée vraiment ancrée dans le cerveau et j'ai trouvé ça merveilleux. Il m'a demandé une fois, mais du coup, t'es pas gay ou t'es pas bi? Je lui ai dit, bah non, je suis hétéro, je suis désolé. Il me dit, ah, mais tu sais, à ton âge, j'étais comme toi. Hein. Et ce client, du coup, a une femme et des enfants, mais il a découvert à 40-45 ans que. Il était aussi intéressé par les hommes, et du coup il est convaincu que potentiellement tous les jeunes du magasin, ou tous les gens en général, un jour, une fois qu'ils vont goûter du coup concrètement la bite, ils vont plus revenir en arrière. C'est une belle théorie. Et ça c'est une théorie à mon avis qui est très puissante, parce qu'il y croit vraiment, quand il me le disait, il avait des yeux qui brillaient. Il était à fond dedans littéralement. Mais, je pense que... Mais j'ai quelques clients, j'en ai un adorable, ce mec, il a je crois 76 ans, et il est marié avec enfants et petits-enfants. Et il a découvert, genre, il y a 5 ans qu'il était intéressé par les hommes. Et maintenant, il est totalement d'accord avec sa femme pour ça, il m'a raconté. Et il vient tous les samedis. Je vous espère que c'est vrai. Hein. J'espère que Géraldine, 72 ans, n'est pas quelque part à Paris abandonnée. Mais. Et tous les samedis, il vient, il s'amuse, il repart. Il dit, bon, je vais retrouver voir ma femme. Et je trouve ça extrêmement mignon, en fait. Nice. C'est fou de découvrir à 70 ans passés ta sexualité d'un point de vue totalement différent, quoi. C'est fou. C'est beau. C'est beau. Moi, je trouve ça. Non, franchement, c'est... On est à l'abri de rien. On se revient dans 50 ans. Ok. C'est bon? C'est bon pour moi. Cet entretien a été réalisé par Raphaël Godefroy et moi-même, Lisa Brunier. Nous tenons à remercier Dario de nous avoir accordé cette interview et d'avoir pris le temps de nous parler. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer, ainsi qu'à partager cet épisode s'il vous a plu. À la prochaine fois !